Chapitre 6 Le château de Montségur. La semaine qui suivit vit s'ennuyer ferme Jérémie. À part la traite, la fabrication du fromage à laquelle il donnait un coup de main, il ne lui restait que les balades dans le petit village et la méditation. Il comprenait que son ami doivent aider son vieux père, mais étant complètement désœuvré, ce jour-là, il leur concocta une bonne blague. Lorsqu'ils étaient allés à Foix pour effectuer le plein de provisions, ils étaient passés par le petit village des cabanes. Il y vit un endroit où un étang était mis à la disposition des touristes pour de la pêche à la truite. Le vieil homme qui tenait la baraque louait même des cannes à pêche rudimentaires, mais qui ferait son affaire. Il prépara sa surprise. De très bonne heure, ce jour-là, après avoir pris son petit déjeuner dans un des seuls bars du petit village, il attendit que le commerce ouvre. Même avec ce genre de canne, aucun risque de revenir bredouille. Les poissons mordaient presque immédiatement. La plupart du temps, les touristes venaient non seulement y passer un bon moment, mais ils repartaient heureux d'avoir du poisson frais pour le repas du soir. Les gens qui n'aimaient pas la pêche ou qui étaient plus délicats quant aux hameçons et autres appâts demandaient au vieil homme qui, grâce à son épuisette, sortait de belles truites et les leur vendait. Jérémie n'hésita aucunement et il repartit bientôt avec quatre belles prises. Il revint à la longère en calculant bien son vilain coup à l'heure où les hommes revenaient de la traite du soir. Comme ils avaient emprunté l'attirail de pêche de Fred, il sortit très fier de son panier ses prises et les mit sur la table, devant l'air éberlué des deux hommes. Soudain, la pièce se remplit du rire tonitruant d'Anthelme. « Tonnerre des dieux ! Il a bien failli m'avoir, le Parisien. Oui, bien failli. Ah, mon gars, t'es un sacré phénomène, foi d'Anthelme !» Et il se remit à rire de plus belle. Fred ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé. Aussi interrogea-t-il son père. « Il te dit qu'il a attrapé ses truites et toi tu le crois. Ouvre donc les yeux, mon garçon. Tu es pourtant un sacré bon pêcheur et tu te laisses berner aussi facilement qu'un débutant. » Fred, ne voyant toujours pas, l'ancêtre prit une des truites dans ses mains et lui ouvrit la bouche. « Et alors? Et maintenant? Toujours pas ?»« Oh, mon salaud !» fit Fred Hillard. « Tu as osé ?» Jérémie était plié en deux de rire et félicita Anthelme pour son observation si pointue. Fred fit semblant d'être vexé et déclara « Puisque tu te crois si malin, tu les videras et les cuisineras toi-même, ces bestioles. Avoue quand même que je t'ai bien eu et que sans ton paternel, ça aurait marché. Certes, comme on dit, à cheval donné, on ne regarde pas la bouche. Et c'est bien là que le bât blesse. » Si j'avais mieux observé, j'aurais vu qu'il n'y avait aucune trace d'hameçon. Tu en es quitte à faire la cuisine ? Deux jours plus tard, remis de cette bonne blague, les deux amis planifièrent leur sortie au château de Montségur. Ce haut lieu du catharisme avait toujours fasciné Jérémie, et il ne se fit pas prier pour préparer les sacs à dos. Il s'acheta, sur les conseils d'Anthelme, une bonne paire de chaussures. « Il y a une sacrée montée, je t'avertis, » fit son ami. « Penses-tu pouvoir y parvenir ?»« Dis donc, je ne suis pas grabataire, ce me semble, » répliqua Jérémie blessé. « Ce que je voulais dire, c'est que pour quelqu'un de la ville qui, comme toi, a toujours les fesses dans sa voiture ou sur son canapé, tu vas souffrir. »« Oh, écoutez donc qui parle. Et entre nous, mes fesses sont debout depuis plus de 9 heures par jour pour opérer mes patients. Nous verrons donc lequel de nous deux souffrira le plus. » La journée s'annonçait splendide et chaude. L'été commençait enfin à s'installer. Ils partirent de très bonne heure pour de l'escalade, c'était plus raisonnable. Le trajet en voiture permit à Jérémie d'admirer la folle et exubérante nature de la région. Des paysages enchanteurs, peuplés de forêts de chênes, de châtaigniers noirs. Un peu plus haut, où portait son regard, il vit des hêtres, des sapins, des pins accrochés, des saules. Jusqu'aux érables, qui donnaient en automne des couleurs fabuleuses comme dans les forêts canadiennes. Il y avait peu de prairies, mais ces dernières étaient denses et les bêtes broutaient avec délices. À un détour, étonné, il vit même des vaches écossaises, celles avec de longs poils. Levant les yeux vers les sommets, à des hauteurs impressionnantes, il distingua quelques cascades qui déboulaient vers les torrents de la vallée. toute cette nature encore si sauvage, si abondante, préservée par les gens de ce pays, offrait aux visiteurs de la grande ville qu'il était un pur enchantement, un apaisement de la vue et de l'âme. Jérémie, à chaque tour de roue, comprenait de mieux en mieux le retour au pays de son ami, car qui était né dans ce pays y revenait tôt ou tard. Finalement, au détour d'une forêt, le village se profila et enfin la magnifique ruine du plus fameux des châteaux cathares apparut dans toute la splendeur du soleil levant. Il était vraiment impressionnant et dominait toute la région à des kilomètres à la ronde. Jérémie s'imagina le nombre de personnes qu'il avait fallu pour construire ce vaisseau de pierre, le nombre d'ouvriers qu'il avait fallu pour monter tous ces blocs de pierres immenses pour construire cette formidable forteresse médiévale, ce pilier de la défense des gentils, comme on les nommait à l'époque. Impressionnant, c'était le terme exact. Ils se garèrent sur le parking réservé à cet effet au pied du tertre. Effectivement, il est haut, fit Jérémie, mais il en vaut la peine. On y va? C'est parti, répondit Fred, qui endossa son sac à dos et tendit le sien à son ami. Il leur faudrait grimper par ce petit sentier de chèvre des milliers de fois foulés jusqu'à 1207 mètres, très exactement. Du haut du Pog, ils pourraient contempler un paysage exceptionnel. Construit en l'an 1206, Montségur fut le dernier repère du catharisme. Il fut assiégé en 1244, seul siège sur les quatre qu'elle subit qui la fit capituler. Et pourtant, c'est un homme de la région qui l'a trahi, Hugues de Haret, avec ses 6 000 hommes, des croisés, qui réussirent cet exploit. Malheureux ceux qui ne renièrent pas leur foi, 200 hommes, femmes et enfants périrent sur le bûcher du camp d'El Krama. Ils s'y jetèrent eux-mêmes. Nul doute qu'on les y aurait aidés s'ils ne l'avaient pas fait. Pour eux, l'enfer se trouvait sur cette terre et la quitter une délivrance. Jérémie, qui écoutait attentivement son ami lui relater tous ces faits, n'était pas loin de croire qu'ils avaient entièrement raison, ces gentils. Les deux hommes montaient lentement. Le sentier escarpé était semé de pierres et de gravier. Un pas de côté, et c'était la chute assurée. Leur attention sur leurs pieds, ils cessèrent de parler. Arrivés à mi-hauteur, ils s'assirent sur une grosse pierre et firent halte. La chaîne des Pyrénées au loin leur offrait un spectacle remarquable. Il faisait chaud à présent. Ils profitèrent de cet arrêt pour se désaltérer. Alors, mon vieux, on y retourne si tu n'es pas trop fatigué? Vieux, fatigué, je n'ai que 2 ans de plus que toi. Tu veux que je te montre, Blanc-Bec, ce qu'est qu'une malheureuse petite escalade? Toi, t'es un vrai fossile. Et à ta place, je ferai plus attention. Des mois, des années de sédentarité sont mauvais pour ton pauvre vieux cœur. Espèce de sauvage, d'homme des cavernes. Tiens, regarde. Il se pencha et prit entre ses mains un morceau de fer pointu. Tu sais ce que c'est? Un vestige de ce douloureux passé, une pointe d'un carreau d'arbalète. Ah, étonnant. Bon, allez, vieillard, avance. Jérémie se releva, remit en place son sac à dos et se remit à grimper juste devant son ami qui l'entendait rire. Il aimait ces joutes oratoires infantiles auxquelles il se livrait lorsqu'ils étaient à Paris. Bon sens que cela lui avait manqué. Léonce et Jean-François étaient sympathiques, d'excellents collaborateurs. Cependant, aucun des deux n'avait l'humour et la bonne humeur bon enfant de Fred. Quelques minutes plus tard, Jérémie s'aperçut que son ami s'était de nouveau arrêté. Tu vois, c'est ici qu'ils ont été brûlés. Il lui montra l'emplacement. Tu ne remarques rien? Continua-t-il. Non, fit Jérémie en regardant attentivement tout autour de lui. Alors écoute, tu entends le vent dans les feuilles et autour de toi? Oui, je l'entends. Et qu'entends-tu d'autre? À cette altitude, les bruits sont assourdis, et bien qu'ils n'aient pas eu à se plaindre de la circulation à l'époque, il est vrai qu'ils étaient plutôt tranquilles. À part cela, je ne vois pas. Je ne te parle pas de bruit. Non, je ne vois toujours pas. Les oiseaux? À partir de cet endroit, ils ne chantent plus. Jérémie tendit l'oreille et ne perçut en effet qu'un grand silence. comme si les oiseaux, eux aussi, voulaient rendre un hommage à tous ces suppliciés en se taisant. C'était impressionnant, et il en eut un frisson. Cette vieille ruine, perchée sur le sommet de la montagne, soudain, sous le passage d'un nuage devant le soleil, s'obscurcit et en devint presque effrayante. Enfin, ils arrivèrent au sommet du Pog. Les touristes n'avaient pas encore envahi les lieux, et ils purent goûter en toute sérénité à la beauté sauvage du paysage. Ils déambulèrent calmement à l'intérieur des murs encore debout. Je suis stupéfait de penser au nombre d'humains qu'il a fallu pour construire cette forteresse à pareille hauteur. Oui, et combien d'accidents et de morts, même à notre époque moderne, il faudrait des moyens colossaux, répliqua Fred songeur lui aussi. Jérémy s'assit sur une énorme roche plantée au beau milieu du chemin qui encerclait le château, tandis que Fred en fit le tour de l'autre côté. Lorsqu'il revint vers son ami, il obligea ce dernier à se lever. Comment te sens-tu? Bien. Un peu fatigué sans doute, oui. Tout bien réfléchi à s'évider. Le manque d'exercice, dirait un de mes bons amis. C'est quand même étrange. Car avant de m'asseoir, j'allais bien. Cette roche où tu étais assis a une étrange particularité. Elle vide tout le monde de leur énergie. J'ai oublié de te le signaler avant de faire mon petit tour, désolé. Tu plaisantes. Tu crois à ce genre de balivernes, toi, l'homme de Cro-Magnon? Mais Fred, visage fermé, ne plaisantait aucunement. Regarde ton téléphone. Pourquoi faire? Vas-tu enfin faire ce que je te demande sans toujours tergiverser? Ok, ne te fâche pas. Il tâtonna la poche arrière de son jean et en sortit l'appareil qu'il lui tendit. Et maintenant, essaye de passer un coup de fil. Et à qui? Bon sang, ce que tu peux être agaçant. On s'en fiche à qui. Ouvre-le et essaye de m'appeler, par exemple. Jérémy s'exécuta réticent et eut une exclamation de surprise. Il est déchargé complètement. C'est impossible. Je l'ai mis sur sa charge hier avant de dormir et il y est resté toute la nuit. D'habitude, j'en ai au moins pour deux jours avant de. Il se tut soudainement et regarda Fred d'un air dubitatif. Tu veux vraiment la preuve de ce que j'avance? Alors regarde. Il sortit son téléphone et le lui montra. Jérémy constata qu'il était bien chargé à bloc. Il le posa sur la roche et en un instant il se déchargea complètement. T'inquiète pas, j'ai un chargeur dans la voiture. Avoue que cela t'embouche un coin. Il doit bien y avoir une explication rationnelle à ce phénomène. Certes, mais personne jusqu'à présent n'a fait quelque effort pour le comprendre et l'analyser. Ah, le silence déjà à mi-hauteur était impressionnant et, comment dire, difficilement explicable. Mais avec ça en plus, ça dépasse l'entendement. Ah, les scientifiques, ironisa Fred. Ah, je ne regrette vraiment pas d'être venu. De plus, cette vue si splendide. Tu as vraiment de la chance, sais-tu, de vivre dans cette superbe région. Ah, et tu n'as encore rien vu. Ils redescendirent par le même chemin en faisant encore plus attention où ils mettaient leurs pas. Jérémy avait les jambes flageolantes en arrivant à la voiture. Il était beaucoup plus fatigant de descendre ce dénivelé que de le monter, les jambes s'arc-boutant pour empêcher que le poids du corps ne l'entraîne vers l'avant. Sur le chemin du retour, Fred raconta à son ami. Mon ancien prof d'histoire travaille en ce moment au château de Foix. Te plairait-il de le rencontrer? Avec grand plaisir. Tu connais mon addiction pour tout ce qui touche à l'histoire de ce château et en particulier à la période médiévale. C'est bien ce qu'il me semblait. Je l'ai appelé mercredi dernier. Il vient, paraît-il, de faire une découverte extraordinaire. Laquelle? Tu sais que les murs du château sont vraiment épais. On construisait bien à l'époque. Pas de problème d'insonorisation. En effet, avec 4 mètres d'épaisseur, aucun danger. Mais il n'en est pas moins vrai que chauffer l'habitation restait sacrément problématique. Et donc sa découverte? Fit Jérémy, impatient de connaître la suite. Et ils construisent une espèce d'ascenseur pour mener les gens plus facilement au château. Et avec toutes ces vibrations en continu, un pan de mur s'est soudainement détaché de la tour d'argent. Tu sais, la tour carrée. Et c'est là que ça se corse. J'ajouterai que cette tour que Phébus avait voulu, il ne la vit même pas terminée. Mais un morceau du mur du bas est, disons, descendu. Il resta muet quelques instants pendant qu'il lisait l'impatience dans les yeux de son ami. Il paraîtrait qu'ils ont découvert un portrait de femme quasiment intact, un médaillon et une espèce de parchemin. Génial! Explosa Jérémy. Et il en a déduit quoi, ton cher professeur? Ah, pour l'instant, rien encore. Il venait juste de les trouver quand je l'ai appelé. D'ailleurs, il m'a quasiment raccroché au nez. Je vois. Quand pourrons-nous aller le voir? Toi, je te vois venir. Toucher, c'est ma passion et tu le sais. De tout temps, j'ai toujours été fasciné par la vie de cet homme. Gaston Phoebus trois comtes de Foix. Alors qu'aujourd'hui je puisse visiter son château avec un mystère par-dessus, c'est l'apogée de mon plaisir, mon ami. Laissons-lui quelques jours pour qu'il ait le temps de nous donner un semblant d'explication. Tu as raison, mais je boude d'impatience. Je revois les images de mon livre d'histoire. Phoebus grand, blond, majestueux devant sa cheminée avec deux énormes chiens blancs à ses pieds. Il avait fière allure, ce comte de Foix. Des montagnes des Pyrénées, ces chiens dont nous ne te parlions, papa et moi, et qui protègent les troupeaux des loups et même des ours. Ce sont les mêmes, sans aucun doute. Ah, bon sang, une race si ancienne. Quelle beauté, ces chiens. Et ils continuèrent à palabrer encore quelque temps, puis avec la fatigue, ils se turent et se perdirent dans leurs pensées.